Un jour banal, un garçon tout ce qu'il y a de plus simple, parti pour faire une balade dans un parc fleuri de jacinthe. Le temps s'arrête, son cœur se fige sur cette fille, assis sur un banc dans un coin en train de terminer son livre. Il s'installe à côté d'elle, fait semblant de lire un journal, mais obnubilé par ses lèvres, il se dit « Oh là, il faut que je lui parle ». Il lui dit « Excusez-moi, j'ai laissé mon cœur à vos pieds, s'il vous plaît, ne le piétinez pas en me disant que je vous verrai jamais ». Il est content qu'elle lui sourit, l'invite à le revoir samedi, mais le temps d'un battement de cils, elle part à l'autre bout de la ville. Il lui court après, se fait couper dans son élan, arrêté de plein fouet par un homme vraiment très très grand. Tout dépend de là où l'on est, on ne voit pas la même façon l'amour quand il tombe à nos pieds. Tout dépend de ce qu'on en fait, on vit pas la même façon l'amour que l'on peut nous donner. Un jour banal, une fille vraiment très très belle, partie pour lire son livre au calme dans un parc à côté de chez elle. Le temps s'arrête, encore un dragueur qui vient s'asseoir, qui va me sortir son baratin pour me mettre dans son lit ce soir. Et ça rate pas, il me le fait en me disant que son cœur est à mes pieds. Tu me fais sourire tellement t'es niais, je finis ma page et je m'en vais. Elle est furieuse de s'en aller avec un livre pas terminé, quand elle entend au loin crier « Mademoiselle, ton numéro, que je puisse t'appeler !» Elle quitte le parc à vive allure, évite de justesse une voiture, quand en montant sur le trottoir, un homme s'arrête juste pour la voir. Elle en a marre de pas pouvoir sortir en paix, comme un cauchemar qu'elle ferait étant éveillée. Tout dépend de là où l'on est, on voit pas la même façon l'amour quand il tombe à nos pieds. Tout dépend de ce qu'on en fait, on vit pas la même façon l'amour que l'on peut nous donner. Un jour banal, un gardien balèze dans un parc, parti pour faire une autre ronde en tournant autour de ce lac. Le temps s'arrête, un mec avec une drôle de tête, je vais le suivre sans faire de bruit, moi je les connais les mecs comme lui. Et paf, je l'aurais parié, il va se mettre juste à côté de cette demoiselle et de son sac. Dans deux secondes il passe à l'attaque, voilà qu'il lui court après. Ni une ni deux, cette fois j'y vais, je me place en plein milieu de son chemin en lui demandant « Alors tout va bien ?» Tout dépend là où l'on est, on ne voit pas la même façon l'amour quand il tombe à nos pieds. Tout dépend de ce qu'on en fait, on vit pas la même façon l'amour que l'on peut nous donner. Mais tout dépend là où l'on est, on voit pas la même façon l'amour quand il tombe à nos pieds. Mais tout dépend de ce qu'on en fait, on vit pas la même façon l'amour que l'on peut nous donner. La même façon, l'amour quand il tombe à nos pieds.